La Corée prête l'attention à l'entretien des monts célèbres. Surtout, le service d'entretien des sites pittoresques du massif Chilbon a réparé des dizaines de ponts et de routes de tourisme pendant la période de mobilisation générale printanière pour l'entretien du territoire national. On a restauré à l'état initial le toit et la décoration en rouge et en bleu du pavillon Taehong du temple Kaesim, patrimoine culturel national montrant l'intelligence et le talent des ancêtres coréens. Également, on a aménagé une pépinière et construit un lieu de repos au sommet du col Pakdal sur le chemin au massif Chilbo.